dira. Si queréis llamarnos, tenéis una pregunta, queréis enviar un mensaje a tu familia, podéis llamar a este número 00335596030 o podéis enviar un correo electrónico a esta dirección irati@sortziprovinciak.com. Si vous souhaitez nous appeler, nous faire passer un message, vous pouvez nous appeler à ce numéro, au numéro international qui est le 0033-559-596030 ou par courriel à iratia@8provinciac.com. If you want to call us, you have any questions or messages for your family, for example, call us at 0011-33-559-593060 or send us an email at irati@provinciac.com. Zaila da, eh? Ala, beraz, gaurko emankizunean pentsatuko dugu ere bai, beraz, Pariseko biktimei ere bai, eta gainera proposatzen da zuten zutea, beraz, Alain Bachon, resident de la République. Donc, lors de cette émission, nous avons également une pensée pour les victimes de Paris et leurs familles. Et on vous propose pour cela d'écouter donc un chant de Alain Bachon, resident de la République. In this show, we are also thinking about the victims in Paris. For this reason, we propose you to listen to Alain Bachon, resident de la République. También en este programa estamos pensando también en las víctimas de París. Por esta razón, os invitamos a escuchar la canción de Alain Bachon, residente de la República. Un jour je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, des atomes, fais ce que tu veux. Parlerai-moi. Peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Un jour je voguerai moi. Peut-être le jour où la terre s'entrouvrira. Hier on se regardait à peine. C'est à peine si l'on s'est penché. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, chérie des atomes, fais ce que tu veux. Je sais pas, pas, pas, pas, pas, je sais pas, pas, pas. Je sais pas, pas, pas, pas, pas, je sais pas, pas. À la bédasse, Alain Bachung. Segitzen dugu gure gaiarekin, beraz, Euskararen nazio arteko eguna. 1949 urtean aldarikatu zuen Eusko Ikaskuntzak Euskararen nazioarteko eguna, ene, deitzen dena ere bai. Euskal Bizkuntzaren unibertsaltasuna mundu zabalera adiarezteko. Zailazen itzori. Ospakizun honen mugarria Eusko Ikaskuntzak, beraz, 1948 urtean Baionan ospatu zuen bere zazpigarren kongresuan. Itzordu hartan, 1948ko, abenduaren iruan, alegia, Francisco Xavier Dueren deunaren egunean, egun hori Euskal Hizkuntzaren unibertsaltasuna aldarrizkatzeko eguna izaitea erabaki zen. Une hortan egindako aldarrikapena dion bezala. Ez bakarrik hiriburutan, hirietan Euskal Herriko errizketan baizik eta euskal gizaltaldeak dauden lekutan ere, jaioterritik gertu edo urrun egonaren. Urtero, ospatzen den eguna oso zabaldua dago gaur egun. Azken urteetan Eusko Ikaskuntzak ekimen desberdinak antolatu ditu eta horren baitan sortu zen ene saria 2009 urtean. Mundu zabalean, Euskararen alde lanean diarduten erakunden lana nabarmeneko xerez. Eta urten, Italian, Erromako Euskaletxeak duira bazi sari hori. Joan den urten idutzen zazela Bordale, eta lehenago feizan dira pixka mundu osoko Euskaletxe asko kukukan dutela aldatzen da urtero. Zezagutzen zinuen zukoria intzion, ene saria? Ez. Ez, bat ere? Eta zu, Ester? Ez. Ere ez, baina berroita mar urte ditu gehiago. Eta zu, Lilia? Ez. Ere ez. Bon, Pampi, zuk ezagutzen zinuen? Entzuna nien. Entzuna ez. Ados. Bala, gurekin dugu Pampi beraz, eh? Gabon, eh? Gabon. Ala, beraz, xetasun guziak nahi belituzu, pixka bat ebe bai, ebe Italiako Euskaletxeari buruz, Erromako Euskaletxeari buruz, eta Alex Mendizabalden lehendakariangoa, zingin nuen ukan gurekin telefonoz gaur. Bera, berak gaitan du, bera Erroman bizitzen dela. Erroman, beraz, xetasun guziak dituzue, uebekoitza hiru aldiz, euskara.it. webgunean, euskara.it webgunean, eta hor baduzue beraz Erromako Euskaletxearen elbidea. Hala, eta behor, nola bihar ere bai bada Durangoko azoka, beste zerbait, proposatzen lan zuten zutea, oain, kentzazpi haien asken diska Oiu Loreak. Hala, aurketzen dute haien diska, azarren ogoian eta Durangon dira bai. Bazalore gorriako ju Gerra urrun batetiko ju Zatoz Zuertzetiko ju Desertu koloreako ju Bere azken atxetiko ju Zatoz Munduari oju Zutan daude loreak egin oju Zutan daude loreak egin oju Egun sentiko zutan daude loreak egin oiu. Hala beraz, Kentzazpi oiu loreak azken musika, eta oaxe bertan hor be Facebooken bitartez, ere baiz, eta badugu Facebook hori alde bat, badut mesu bat hor frantxexez idatzia dena, erraiten duena, il faut vraiment que tu fasses venir ce groupe dans ton émission. Beraz, hori dugu Valérie Prime, melaen mesua, Bretagnatik, entzuten duena zuzenean, beraz, Bretagnatik entzuten gaituzte, beraz, je te fais un mouchou, Valérie, qui nous écoute, et puis à Johan et à Lorik aussi, et à Sibyl et à Nathalie, voilà, à toute la famille, donc je vous fais un mouchou, un gros mouchou, et puis merci de continuer à nous écouter depuis la Bretagne. Eta beraz, bai, kentzan spito riberko da, gure mankizunan, zabaltzeko nola, azken diska atelatu dute hor azaroaren ogoian, Hala, hortan gira. Uste dut ere bai badugula, agortu behar dugu ere bai Iban, Iturrain eta Abe, entzuten gaituzten hor zuzenean, gatik-atik Bilbaoren ondoan. Hala, badugu mesu bat ere bai entzuten dutena, Iban, Abe, musu bat, eta badut ondoan norbait ere bezagutzen duzuna. Bai, kaixo Iban, kaixo Abe, eta kemen, nuntzalde? Eta kemen, egia. Hala, behiratiaren aintzinean etxean, egia. Hala, guri entzuten. Hala, beraz, eskerrik asko, hala, badugu erantzuna. Uste dut, girela zuzenean hor norbaitek Marseillatik, Fernando Zabalza, comment vas-tu, Anaya? Ça va. Alors, question. Alors, ce 3 décembre, ou ce 4 décembre, vous avez célébré ça le 4 décembre cette année? Alors ça tombait le 3, enfin, l'anniversaire c'était le 3, Léonan, mais bon, par problème de planning, et puis bah, pour être le plus nombreux possible, on a fait ça le 4. Donc d'accord. On a fêté notre premier anniversaire des Squaletti le 4, vendredi 4. À Marseille. Vous aviez du monde? J'ai compté sur mes doigts, on devait être 56. D'accord, c'est pas mal pour un premier. Et je crois qu'il y a, bon, moi j'ai malheureusement pas pu venir, j'étais invité, je sais, mais j'ai pas pu. Cependant, je sais qu'il y a des gens qui sont venus du pays aussi quand même. Oui, alors il y a Cécile Tutegui qui est venue, oui. Qui représentait notre partenaire au niveau banque. Donc, ouais. Le Crédit Agricole. Et t'as même la carte avec les Courignas dessus maintenant, j'ai vu. C'est pas la mienne encore. Ah. Aïe. Mais elle est commandée. D'accord. Elle a tellement de succès que bon. Mais alors, comment vous avez célébré ça? Vous avez fait quoi? Vous avez chanté? Vous avez eu du mouche? Il y a eu beaucoup de choses. Donc on a, pour commencer, il y a des amis d'une autre association, des chanteurs sur Marseille. Mmh. Qui sont venus animer et nous chanter des chansons en basque. D'accord. Donc, voilà, par partenariat. C'est leur 30 ans à eux. C'était leur premier concert de leurs 30 ans, donc ils l'ont fait chez nous. D'accord. Par amitié. Ouais. Et ensuite, il y a eu un beau buffet basque, donc fait par Sapigoria Burger. Ouais. Et ensuite, il y a eu encore du chant, du partage. Et puis, il y a eu du mouche improvisé, puisqu'il y a deux jeunes du Pays Basque qui ont découvert qu'il y avait la Squaletti, ils l'ont découvert ce jour-là. D'accord. Et ils nous ont appelés et on les a invités pour le soir et voilà, de fil en aiguille, on a joué aux mouches. Tout à fait. Donc, voilà. Donc ça a été une bonne animation. Qu'est-ce que vous avez prévu maintenant alors? Là, pour l'instant, on va prévoir l'AG, donc voilà, ça c'est obligatoire. Oui, tout à fait. Et puis pour l'année prochaine, on a pas mal de projets. Donc, vous en êtes où là, au niveau des cours de basque? Au niveau des cours de basque, on a 14 élèves. Non la Silasso, non la Silasso, jusqu'à la, non la Silasso, jusqu'à la. Comment tu es toi? Comment on dit 14? À Malawi. Voilà. Là, tu me prends de cours. Non, moi, ça fait un an que j'apprends, donc là, je commence vraiment à rentrer dans le dur et c'est là que c'est intéressant aussi. Ah. Donc voilà, je commence à avoir des petites bases et maintenant il faut consolider la maison. Ouais, tu as bien raison. Et donc 14 donc, élèves... on a 12 adultes et 4 enfants, donc, et 3 professeurs, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc on a Christelle, un professeur principal. Oui, Christelle Poquet, tout samedis. À fait. Ouais, tous les samedis, elle est là, elle nous fait 2 heures de cours et c'est trop court pour nous. Voilà. Ouais. Tout le monde dit que c'est trop court. Mais, de toute façon, Christelle, en plus, c'est une passionnée de l'Euskala, hein, parce qu'elle-même, voilà. Elle apprend l'Euskala par téléphone. Ouais. Donc, on a aussi Chabi qui nous a rejoint cette année, qui s'occupe des enfants. Oui. Et Guéchan qui est toujours là quoi, Guéchan. Pour nous aider à toute occasion. Ouais. Et en fourchette d'âge, au niveau des élèves adultes, c'est de 25 à 74 ans, puisque Louis nous a rejoint il y a 15 jours. Ouais. Il est de Garassi, d'origine de Garassi, et il redécouvre la langue avec un plaisir incommensurable. Quoi. On peut pas. On lit le plaisir dans ses yeux, quoi. C'est fabuleux. Et est-ce que tu as eu. Est-ce que vous avez été en contact aussi avec les Escoletxa de Toulouse et Montpellier? Parce que je sais que pour l'événement, vous aviez envoyé. Sur Toulouse, j'ai eu deux retours là, qui ne pouvaient pas venir. Ouais. Beñatzin Sogarmendia et Jean-Pierre Fournès. Voilà. Hein, à qui on fait les mouchous aussi. On les salue. Et sur Montpellier, ils devaient passer aussi, mais à mon avis, ils ont dû avoir un empêchement. Mais bon, ils étaient. Ouais. D'accord. Ils devaient être pris. Et Lyon? Avec et Pernal, Lyon, on a eu une excuse d'un certain monsieur Tibéry. Oui. Bernard qu'on salue et qui il est en train de monter les squalichés là-bas, donc il ne pouvait pas se déplacer là. D'accord. Et donc toi là, quand c'est qu'on te revoit au pays ici? Pour là, la fourre au jambon? Peut-être avant, mais ça, on ne peut jamais présumer. Ouais. Oui, non, mais je pense qu'on y aura la fourre au jambon, je pense qu'on le fera. Là, c'est le rendez-vous annuel, ça. Voilà, plus un voyage, on pense faire un voyage l'année prochaine avec tous les nouveaux, avec la plupart des adhérents qui seront partants sur un week-end pour aller au pays, te rencontrer tous les gens là-bas, et puis faire un petit soir d'onostia pour passer le témoin de la capitale culturelle, vu que Marseille était la dernière. Eh oui. On va faire un peu une sorte de corica de Marseille à Donostia. C'est pas mal ça, parce que ça soumet aussi la question de 2016, donc effectivement Donostia, capitale culturelle européenne, fait capitale européenne de la culture. En 2017, Marseille, capitale européenne du sport. Y a peut-être quelque chose à faire au niveau de l'Escoletxa, oui, non sur le voyage, on s'arrêtera voir nos amis, nos autres maisons, quoi. Donc, j'ai Esther à côté qui me fait bye bye bye. C'est sur la route, donc on s'arrêtera à Toulouse, à Montpellier. Ouais. D'accord. Et mais c'est parfait tout ça, c'est que des bonnes nouvelles. Voilà. Et au total, vous êtes combien de membres dans les Escoletxa maintenant? Exactement, je ne peux pas te dire. On n'est pas loin de la trentaine. Ouais. Et on arrive tout le temps, donc voilà. Ouais, il faut pas se plaindre. Tout le temps. On va confirmer les cours de danse à partir de janvier avec Amélie Etchegaray. D'accord. Notre danseuse de l'Escoletxa et qui est musicienne aussi, donc voilà, elle nous a fait de super morceaux de tistou et d'accordéon pour l'anniversaire. D'accord. Mais c'est super. Est-ce que tout ça, on peut le voir sur votre page Facebook et sur le site internet, on va pouvoir le voir aussi, non? Alors, site internet, ça y est, va démarrer là, parce que bon, fallait que je m'y mette, donc j'avais d'autres associations à gérer. Oui, je t'ai créé tous les codes d'accès hein, pour le faire. Je suis à 100% sur l'Escoletxa maintenant, donc je vais avoir du temps. D'accord. Bon, donc c'est marseillaco-escoletxa.com pour le site internet, et le Facebook, hein, c'est marseillaco-escoletxa. Voilà, il y a toutes les images, et puis on va mettre quelques vidéos de la soirée, donc pour ceux qui veulent aller voir. Parfait. Tu passeras avec bien le bonjour également à Stéphane Laplace, à Sucré, hein, au troisième comparse, fondateur de l'Escoletxa. Oui. Voilà, qui ne pouvait pas être là, je sais, donc voilà. Très bien, mais... Il y avait quelques amis de la pelote qui sont venus aussi, donc ça fait plaisir. Maxime Garrick, le président de Marseillais Pilotin. Non, il n'a pas pu venir. On avait Peyo et Bruno Sarada. Ah oui. Voilà Peyo. Très bien. Eh bien, écoute, on te remercie pour ces bonnes nouvelles. On souhaite bon vent pour 2016. Donc, on t'attend ici. Bon, moi, je vais être obligé de venir vous voir quand même aussi. Donc, je vais faire le nécessaire pour venir. Il n'y a pas de problème. Parfait. Et bien évidemment, on va se retrouver chez Sapigoria Burger avec toujours le même repas et toujours pareil. D'accord? Ça marche. Allez, Milesker. Milesker. Adieu, Fernando. Adieu. À la belas gurekin ginoen Fernando Zabalza, Marseillatik, Marseillako Euskaletxa, haren lehendakaria. Beraz, ospatu dute, beraz, abenduaren aurten lauean, baina sortua izan da abenduaren iruan, Euskaletxaren lehen urte betetzea. Izan dira, duriz berroi tamasei kide, hor izan dira edo lagun, hor izan dira ospatzeko aieken lehen zorion, edo urte betetze hori. Egin jolastute musea, jolastute musika, jolastute, besta indute pizka bat. Ikaragarria, baituzte beste proiektu batzuk buruan hor aurtengo. Hala, bena gauzak emeke-emeke intzatzen ditugu, bena sigortasuna hundi batekin. Hala, izan da ere bai, beraz, Euskal Herritik izan da Cecil Altsutegi erazioan dena, delako ban, Euskal Etxaren partaidea, bere bankuaren bitartez. Hala, eta bon, iduriz, bai, giro polit bat izan dela, hor, Marseillean, eta Euskararen inguruan, ez, eta Euskal Kurtsuak, bai, emaiten dituzte, dira, beraz, ama sei ikasle, Euskal ikasten Marseillean, gaur. Horean, behira, ama bi heldu eta lau gazte, lau hor, beraz, eta hiru irakasle. Horean, hori, ala, be, gauzak, jadanik jendeak epizkatarrituak dira, be, sortua izan dezan eta Euskal Etxean Marseillean, ja, Euskal Etxean Marseillean, bai, eta gainera, behira, Euskaldunak Euskal ikasten Marseillean, eta beraz, behira gazteak eta zaharrenak ditu hirurogei eta malau urte. Hala, beraz, bada, ala, giro polit bat preparatzen ari dena. Hala, beraz, pausatxo bat eginen dugu. Ezagutzen duzuzuk Lilywood and the Prick taldea? Yes. Prior in Sea. Lilywood and the Prick. Lilywood and the Prick. Prior in Sea. Bai, ala, pampi, falta. Ala, beraz, aurten, be, bukatzen dugu, be, irratxaiu unen, amargarren urte betetzea. Ala, pasatu dira gauza asko. Ala, be, jadanik azken gauzak, be, gaur, badugu, be, Antxon, gurekin dena. Ala, animatzaile berria. Ez dugu orain dikentzumen, berandu xa guentzunen dugu, lehenago Lilia eta Esther ere bai, ara Robert ez da hor. Mana ukanditugu ere bai beste gomita asko, jadanik eba orten nor izan da gure emankizunean. Ondan, Joko Antze, Marka, Frederik Proxekin, haipatu dugu ere bai Cecil Altsutegi, Kredi Agrikolekoa, bera ere bai torri eta bizpairu aldiz, Marko, Marazkilaria, eta Koldo Amestoi, torri kondalaria etorri dira, Julen Madina, eta Jean-Michel Maritxalar, entzieroak haipatzeko, etxauzia elkartea Baigoriko Jauregia, nun nahi duten egin, beraz, berbada Euskal Diasporaren zentro bat, Angela Merriazekin ere bai haipatu dugu Endaia Film Festival, eta Pompier, eta Solidaire elkartea, eta Angela ere bai askotan etorri da gurekin. Marseillako Euskoletxar, Orantxe Bertan ginen eta Fernandorekin, Fernando Zabalza, Baizik eta Stefan Laplaz eta Christel Poke etorri dira. Reunion Irlako Euskoletxea etorri da ere bai unat, zen joan den beraz irailean Sandrin Laksagekin. Gure esku dago, kanpaina, Jon Kamio etorri da. Eusko Diaspora proiektua, Maialen Zamponi ere bai etorri da bizpairu aldiz. Arbasuen Hildotik proiektua Baigorin. Hau da beraz bigarren mailako gazteak hor badute hiru urteko proiektu bat eta aurrek bere egiten dute lan pertsonal bat hiru urtez diasporari buruz eta gero hiru urte ondoren berklasia bidaia egiten du Kaliforniara. Berat duetan dira denak Kaliforniara bizitzeko diaspora barnetik zer den pixka bat. Gero Batiz Dalman abeslaria etorri da bizpairu aldiz eta gaina gaur bertan Batiz Dalman bakizun honen Vietnamien, Vietnam. Bai. Handa, hor, gaur egun. Hala, begiz-begi taldea, noski, etorri dira bizpairu aldiz ere bai, Beniata Xarri etorri da Gerezien denbora, pastorala orkesteko. Jende asko izan da, eta ongi hasiko dugunez 2006 urtea, hau da sorpresa, zenta... Eta hala, beraz nik, proposatzen hau zutatzenik, hortik hala be, ez da unat... Uste dut etorri da aldi batez, unat. Philippe, tu es venu combien de fois à la radio directement? Jamais, non? Non, pas encore. Voilà. Je garde ça pour au futur. On va garder ça pour 2016. Comment vas-tu, Philippe Achéritogaray de San Francisco? Comment ça va? Très bien, oui. Benoît, bonsoir. Et bonsoir à Esther et Lilia et à Anton. Oui. Hey. Bonsoir. Bonsoir. Là, Antion. Antion, coucou Tsenda. Antion, il se cache. Ordan, comment ça va? Très bien, très bien. J'appelle un peu pour... ajouter un peu de San Francisco parce que oui. je comprends que ça manque un peu. Oui, là, oui, oui, oui, oui. Le dynamisme, la diaspora basque est en train de bouger très fort à Marseille et on en oublie San Francisco presque. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe à San Francisco, dis-nous? Bon, on est en train de finir l'année. On a une fête de Noël la semaine prochaine et puis après ça, la veille de 2016 et puis on recommence en 2016. D'accord. Et normalement, tous les ans, pour le réveillon du Nouvel An, vous faites aussi des concerts et tout ça, normalement, non? Oui, ça arrive plusieurs fois. Cette année, on va avoir Monsieur Jean-Paul Barthes qui va faire le DJ pour la veille okay. Cette année. Jean-Paul Barthes, oui. Aino Amaitia, bien sûr. Et, voilà, il anime très fort avec sa femme. Oui, c'est un sacré animateur. Et sinon, qu'est-ce que vous avez prévu d'autre au niveau des activités, au niveau du BEO, par exemple, de Basque Educational Organization? Ouais, là, on vient de organiser une conférence en novembre sur le pelote basque. Ouais. Et on a concentré sur le frontball. Et on avait Monsieur Jean-Michel Idiard, qui est le ouais. promoteur du frontball. Alors, ouais. Il nous a donné une conférence et puis on avait des joueurs pour montrer le frontball chez nous. On n'avait pas connu ça, alors c'était beaucoup de succès. Et toi, t'as essayé toi personnellement? Non. Moi, j'ai fait le fronton. J'ai mis les lignes. Ça, c'était mon travail. D'accord. J'ai laissé aux jeunes pour jouer. Et dis-moi. Les jeunes comme Esther. Voilà, c'est un souligné d'accord. Et Lilia et Anton aussi. Bon, Anton, non. Anton, il joue au Yoko Garbi. Voilà. Et okay. Puis, il a dit fier, il fait un petit claquement de bouche. En plus, il a... Tu vois, comme Philippe, ça, you gotta play first and then I'll play. Voilà. Non, mais il est arrivé en finale de la championne de la Ligue, lui, Antoine, à Yuko Herbie, là, l'année dernière. Très bien, très bien. Ouais, il a perdu. Et dis-moi, il y a Esther qui va te donner une information, results of the, le, sur le football américain, parce qu'il y a Esther qui suit en même temps en direct les résultats du football américain. Donc, my Seahawks are winning 21-0. How's your 49ers? Right, go Hawks. How are those 49ers doing? No, no. I think they're tied, 13-13. Oh, good, good, they're holding on. Hori, Pampi, arritzeko da, gure irratian gira hemen, Euskal Jasporan emankizuna iten, eta badugu hemen, eta Amerikanoan futbola zuzenean begiratzen, eta... Eta Esterrek emaitza maiten... Bai, San Francisco. San Francisco da. Hori da. Hala, hala... Ederra da gaurko teknologia, mundua konektatua da. Ba, ba, ba. Hala, badugu rentxe bertan, bai, mesu bat hor, Bingen Dager, bonjour Bingen, merci pour ton petit message qui nous dit bonne émission. Oui, ben oui, comme tous les mois, bonne émission. Voilà. Philippe, ton frère ne peut pas être là avec nous ce soir. Ah ok, ouais. Non, il est pas là. Il avait des occupations à la maison. Il pouvait pas se libérer. Mais voilà. Toi, quand est-ce que tu nous rejoins ici? Quand est-ce que tu viens au pays? Bon, j'étais là cet été pour quelques semaines, passer une très bon temps avec ma famille et je sais pas, peut-être 2017, comme ça. Ouais, d'accord. J'espère. Et toi, dans les projets qui viennent du Pays Basque, comme ça, est-ce qu'il y en a que tu as retenu, comme ça, des nouveaux projets qui se développent, que tu penses intéressants? Bon, il y a un projet que je suis très intéressant, c'est il y a une nouvelle film basque qui vient de sortir en septembre à Mama, du directeur Asier Altuna. Ouais. Ça passe très très bien et on va essayer de faire un petit tour dans les Eskual Etxea en 2016 avec ce film. D'accord. Et au niveau des informations, sinon des demandes qui viennent du Pays Basque vers la diaspora, comme moi je pensais notamment à... Je t'avais fait passer une information sur la coopérative laitière du Pays Basque, des choses comme ça. Est-ce que tu penses que c'est des opérations qui peuvent être intéressantes là-bas? Oui, c'est, le travail c'est de communiquer ces détails à tout le monde parce que... Il y a tellement de choses qui se passent, c'est dur à communiquer ces détails. Ouais. C'est pour ça, bon, moi je vais juste rappeler quand même, par rapport même à nos auditeurs qui sont à San Francisco notamment, qu'il y a la coopérative laitière du Pays Basque ici à Urepel qui a lancé une campagne d'appel de fonds et d'ouverture de capital à destination de la diaspora, et que si la diaspora veut être actrice d'une coopérative en Pays Basque, et notamment elle propose en plus des services, c'est-à-dire que même toi Philippe, si tu as tes enfants qui cherchent du travail pour l'été, for summer, eh bien, la coopérative s'est engagée à leur proposer du travail pour la saison si quelqu'un de la diaspora participe à la prise, prend une part au capital. Donc, ce sont des petites choses comme ça, des rapprochements qui se font, qui sont assez intéressants. C'est vrai qu'on essaye, c'est nouveau. C'est pas souvent qu'on voit des démarches comme ça. Il y a ça, il y avait aussi le projet aussi à Baïgorry, c'est le château. Oui, j'ai eu la chance de le visiter. Et alors c'est quelque chose... Il y a beaucoup de possibilités là. On va voir si on peut travailler avec eux, le diaspora basque. Ouais. Et est-ce que toi, sur des projets, est-ce que dans des projets de ce style-là, il y en a que tu aimerais suivre un peu plus que d'autres? Tu te dis, voilà, celui-là, il est peut-être plus mûr, il peut aboutir plus facilement? Oui. Avec ton regard de là-bas, je parle. Avec ton regard, voilà, là c'est, j'ai envie de dire, c'est un Basque d'Amérique qui nous appelle. Avec ses yeux de là-bas, c'est des yeux que nous, on ne connaît pas ici, puisqu'on regarde on regarde tout le temps de l'autre côté. Mais toi, avec la vision que tu as et la connaissance que tu as, est-ce que selon toi, il y a des projets qui ont plus de chances d'aboutir que d'autres, par exemple? Oui, d'ici aux États-Unis, c'est pas facile à avoir. Ouais. C'est ça une des choses qu'il faut corriger un peu pour comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. D'accord. Et toi, d'abord, merci pour la promo que tu as fait sur l'émission de radio. on a vu que tu as publié déjà l'information avant même ici. Tu l'avais déjà publié sur le site de Basque Cultural Center. Donc, c'est déjà un bon point pour nous. Oui, on essaye. Bon. Sachant que, bon, là, à la fin de l'émission, avant la fin de l'émission, on va avoir une petite surprise. On a trouvé un chant assez particulier. On ne va pas dire d'ailleurs le nom du chanteur au début, on va le dire à la fin. Et voilà, il va, le petit jeu, ça va être d'essayer de deviner qui c'est qui chante cette chanson-là quand même. Hein ? Ah, ok, très bien. Voilà, on va faire ça. Eh bien, vous pouvez nous envoyer, d'ailleurs, quand vous écoutez la chanson, vous pouvez nous envoyer, bon, sur ce que j'ai en contact sur Facebook, vous pouvez nous envoyer la réponse sur Facebook, vous pouvez nous l'envoyer par email à iratia@numero8provinciac.com. Voilà, vous pouvez nous envoyer la réponse. Il n'y a rien à gagner si ce n'est peut-être un foulard de Oshkali Iratia qu'on va voir. Y a, voilà, parce qu'il fait froid l'hiver, donc il faut petit foulard. Donc voilà. Voilà, Philippe, merci beaucoup. Ok, merci, oui, et je dis un bonsoir à mon frère, que je oui. sais qui écoute maintenant, et oui. j'ai une cousine aussi sur la côte, Manu, je dis bonsoir. Ok, ben voilà, ben le c'est passé. Le bonsoir, il est passé. À la prochaine. À très vite, Philippe. Mileski, radio. Bye, Philippe. Bye-bye. Voilà, Philippe Achiritagaray, Guinouengoulekin Nord, San Francisco Tic. Et ta bye, ben, et ça goûte nous ce truc, Philippe. Bye. Bye. Bye, ça goûte nous en gayago, aorten, hayalditan. Ah, Boizen. Boizen. Boizen. Bai. Ados. Be, proposatzen hau zutegitea pausatio bat horreta entzutea. Argentinako talde bat, deitzen da, la junta da, Santiago Chango Moreno. Chacarera, que estoy volviendo al pan y soy bombo latiendo. Si te pienso, Santiago, en cada chacarera ya estoy volviendo al pago. Tres pinzo y cuando siento. Santiago que te nombra y el diablo de la macha el corazón me ronda. Crespín soy cuando siento Santiago que te nombra. Cuando escucho a dos cajas cantar una vidala, coyuyo de ausencias se prende a mi garganta. Cuando escucho a dos cajas cantar una vidala, Santiago del Estero es un chango moreno con música en los ojos y un corazón copero. Santiago del Estero es un chango moreno. Chacareras, claro soy santiagueño, chilalo piel morena, bombisto y vidalero. Lejos del pago añoro las noches santiagueñas y ese parral por cielo. Un racimo de estrellas, lejos del pago añoro las noches santiagueñas. Amar es mi destino, ya me pagó Sajeros, pero a mi santiagueña, mis quilas siempre vuelvo. Amar es mi destino, ya me pagó Sajeno. Santiago del Estero es un chango moreno, con música en los ojos y un corazón coplero. Santiago del Estero es un chango moreno. Ahora verás la juntada Santiago Chango Moreno, cantó en Tsundugu. ¿Está bien para aquí su ser, Esther? Salve. berriro bagoaz San Franciscorat zentabatuko gurekin hor Johnny Kirutxet, egunon Johnny? Egunon. Nola zira? Zahar bat nago egin. Ez. Ez da egia, Johnny, beti forman zira zo. Zikor denago, azkarrian? Ba, azkarrian, eta begira, gaurko eman kizunak, gira esterrekin. Bo, Robert ez da hori zaiten ahal. Eta baditugu bi gazte gurekin, Lilia eta Antion. Lilia mazazpi urtekoa, Antion abost urtekoa. Hala. Hala. Gerua bada. Hala. Transmisizioa. Ekso, transmisizio hori. Hala. Dira nire aurrak, eh? Hala, gurekin egiten dute mankizuna, guai. Bia zuak eta konten izorren aditziez. Hola segida bada. Horixe. Horixe. Gauza bat, Johnny, nahi nizuna ipatu. Ez dugu batera ipatu zurekin irratian, zenta, zu etorri zira unat urrian. Bai. Orduan, reiten handi guzu, zer egin duzun hor hilabete batez, hemen, bazkaldu dugu elgar, bertxotan izan zira, jende asko ikilan, eta... Ba, eta hor izan dugu, eta errezebidat, eta ez dakit somat urte duten galdizen zazkian, iban ez dut, hor da enegitela halko sekulan hain zehur, errezebitua izan gira, eta... Errega ban hobeken ikuste. Eta itxasun atxigi dituzte, eta gero ustaitzea ebiten ginen. Bai. Eta horri birigira mugaren bialdetan, eguan eta... Eta iparrean. Eta iparraldian. Egun noro zina zute beren programa nun, eta zerri behar ginduen, eta denek rezibitu dituzte, beren aurrak izamain duzte bezala. Hori nigeten ela honek, hori izten duk gure biziko, hori izapena. Zu etorri zira hor, ziren Martin Goiko etxaik ilan? Bai. Eta, ere bai, Frantxo Bidaurreta. Hori xe, Frantxo Bidaurreta. Ezagutzen duzu, Ester, zuk? Bai, ezagutzen dut. Martin, eza, beste gizon bat? Ez zu, Johnny. Ez Johnny, bai... Ikusten begi... Ustaritzen? Bai. Ezagutu zirezte ikusten gari. Bai, nuen, bai. Bai. Eta San Francisco nere askotan. Bai. Nik ebe ez, Johnny hemen ikusten bakarrik eta kapitalan erraiten duen bezala, Esterren Zubi. Kapitala da Esterren Zubi. Eta azken emankizunean, Johnny, gure azken emankizunean, Lilia egin zuen beraz eguraldia, eta errandu, Johnny Kurutxeten dako, beraz kapitalean, beraz Esterren Zubiko eguraldia eman du, eta errandu kapitala. Hala. Jakiz ezo? Eta bai. Ba menturaz patarrez Franco kapitala da, ba. Zertara emaiten duzun juiamendia, erdakusi. Ba hori da, ikusi bera. Maldaz menturaz kapitala da, ba. Bera bada, kaso ba. Hala, eta bai, eta beraz, zu hor, beti lanen analizira edo usten duzu piskat? Beti? Ba, orain ni ezan alferradena beti badulana. Ez baituan iz behar. Ez da iniz behar. Noiz baduzu zure elduden hor, ez dakit, eta kantu edo bertxo saioa hor San Francisco edo Kalifornian? Hemen San Francisco nubo saioa, ez dakit, hain seur eta agorilean saioa hain garnabilean izanen da. Ados, garnabilean. Agorilean. Txapelketak eza? Bai. Eta beraz, han izango zira ze Jesus Goñerekin, Martin, bai. Eta Basabe, Julian, Manuel Basaberekin ere? Ez dira ondarrekotan bada beste bat ere, gure peldara arzen dena, Alfaro. Bai. Ez dira hanbat segitzen horiek. Mentura zan izanen dira, ez da ondarrekotan etxin jane. Hala, Alfaro hantzen urteuz, bi urtetai kambiatzen dira. Bai. Iten dut hemen eta iparreko Sakramento kondo bada, beste talde berri bat hasia, gaztek. Eta jat etorri zen, Alfaro. Bai. Gero Nevadan eniz oitzen kusirik, behin ere. Ez dakit etorriko denez orai, berze izan ardura. Hiruak izaiten gira. Leheno baino berzeba, baina ora ez da hartzen nua. Eta Jesus Arriaga, nabai, badu zumaitu urte ez dela arzen gehiago. Ah, bon. Zuk nola ikusiko zinuke hor... Hor Kaliforniako euskal presentzia etorkizuna pixka bat. Nola ikusiko zinuke zuk? Oh, hemengo eskualdunen presentzia? Bai. Bueno, hemen, guai... Gizabatea kontenta bertzea zen hau zu. Mundunta ez gira etortzen sekulako nehore, eta gu bagatze, gura itxinekoak ez dira hemen gehiago gurekin. Bai. Eta beharri badugu hemen sortutan, hemen jaio nola hartu nuzuen hor, hori terlo lotia dina boxioat, eta oraiko komunikazione gizeki lan, haizu berdin metxikotik, eta hemen, eta guaiku batik hasia dira, eta entzuzu, bazkitz horik denak, eta atxizan dute hemen sortieka, aniz kontaka atxizan eta iregitzen ere ba. Eta gure gerua hortan da, hortik dina zen hau zu. Erran duena, deia ez gira betiko jiten monon da, eta ahire jibitzen. Zure ustez, zer egin behar? Ala konteniz, haizu, atxikimendiak eta pilotaren metziko kine iregitzen ahire betita gehiago. Bai. Esperantza hortan du, bai. Genera, bon, pilota Mexikoekin, ordon, Ester, ezagutzen duzu, zu pilota eta Mexiko. Bai. Ordean, gale, bien nasketa itan zinuke, pixka bat aurkezteko, pixka, euskal pilota nola den Ipar Ameriketan. Zenta, bon, federazioaren lehendakaria da Xabier Berrueta, bai. Gure adiskidea, eta zu zira beraz Ipar Ameriketako selekzioan. Bai. Eta nola komporten zirezte pixka bat, eta... Badira erabiltzaile asko edo... Bueno, asko ez, baina gure Euskal Etxean jende asko jolasten du. Ai. Baina pena da ez daukagu entrenetzaia pixka bat. Bueno, San Franciscon bai, Evelinekin azten dira ja gaztetan jolasten eta entrenatzen badakit larun batero joaten dira eta ja pixkanaka haiek ja ezakit zenbat urte dauzka ja zarrenak 12 13 urterekin eta haiek ere baina gero gustatuko litzateke ikustea pixka bat Boisen ere eta Bakersfielden Chinon eta eske badago ere Texas ere frontoia badaude eta han frontenis Mexikoko mutiarekin baina ezakit nesken zaiatzen dira jolasten, ala ez, eta... Eta nolako kirolak egiten zuze, bakarrik eskuzka, edo... Estatu batutan? Bai. Ba, eskuz, eta gero ere kuero San Francisco, bai. Eta Boisen zaiatzen dira, baina frontoia txikia dela. Bai. Orduan pixka zaia da. Eta gero ere frontenis, bai. Eta gero nesken balin. Bai. Eta, bueno, eta txinon badago trenkete bat, eta han ere trinketen jolasten dute. Ah, dos. Batako Mexikoko gizon batzuk, eta ere gazteak, eta gero ere euskaldunen artean jolasten dute. Ah, bada iteko. Johnny? Bai? Eta zu pilotan? Bo, guai, Andre horrek esan duena, hemen ere, guai, eskuz ez gira hain azkar, ono bat du, baina... Bai, ari gira berriz pusaka eta eskuzko partia zinaiz, baina posi bat zaila duguna. Bai, aniz demora eta pazintzia behar du pasatun eta norbeitek. Muntara azteko ezin eta hameste deporte badak. Eta denak elgarri segitzen dira, deporte ona dena batian berzetanen nahi duten. Hakin ia un simiaikine denetan gaztena hartzen zuten. Eta ordean batetako deporte unan ardura berzeko badu etorkizuna. Eta hamizte deporte bada. Eta orduan beti bila hastia ez da hain errez. Bai. Bada futbol amerikanua ere? Ba futbola eta teniz eta nita. Guai zakor erabitia da. Zure semiak maite du hori? Azkar pizten. Zure semiak maite du futbol amerikanua hori? Baga, zaharnak, maitetuan ez da gaztena hortan, deportean bizilaik albalu. Arre maitetu denak. Zenta, YG Bertan, nahi bali moduzu, retenan zaitugu hor, Seattle, Noren kontra? Minnesotaren aurka. Ala aurka. Ogoita sortzi huts, Seattleen dako. Baduk, Esterek segitzen du zuzenean hor, ordina gailoan. Ah, beraz. Bermementuan direlako beraz kirolako. Hortarako. Hortza da, beraz, eta mileskerani. Milesker handi bat zure deitzagatik. Eta guaintzi ordener. Bai, esker handi bat. Eta errezute zitu, urrun izanike. Bai. Eta pentsatzen dugula denetaz. Milesker handi bat, Johnny. Milesker. Agur. Agur, Johnny. Aio, Johnny. Adio. Hor, gurekin ginoen beraz, Johnny Kurutxet San Franciscoko bertxolaria. Hala, eta gurekin zena beraz hemen Euskal Herrian urrian. Proposatzen dauzet egitea hor pausatxo txiki bat, entzutea musika bat, eta musiketan ezarriko dugu... Adel pentsatze zinen. Bai, ez, aldatuko dugu. Adel gero, hor ezarriko dugu beraz La Camisa Negra. Baduzu? Yeah. Oh, je la connais pas. Y feo, me pero antojao. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una. Sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere, que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor, respiré cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera! Ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Hala, beraz, Juanes, La Camisa Negra. Ebe hor, beba dugu, badakiztu za, diasporaren berriak, ditugu. Ebe bai, ebe gure bikazetari berriak. Eberan hasiko dute, beraz Lilia eta Antion, beraz Antion hasten duzu, otoi berri bat eta gero Lilia eta ala, bizuen hartzea. Ados. 2005ko abenduaren xeian, txinon, estatu batuetan, tripota besta, odolki festa euskal giro eta oiko estiloan, txinoko zentroa basko jertxetxean izan zen. Ala, gero... Boixen, estatu batuetan... Boixeko eskoldunak elkartearen aurrentzako eguberri festa eta Boixeko gazteaken emanaldia bazen. Gero ia. Orduan abenduaren amajan, Boixen ere, estatu betuetan, Song of the Basque filma eskainiko da Edward Cesar Boix. Erdigunean. Digunean. Segitzeko 2005 Eteko abenduaren ababian, New Yorken estatu batuetan, San Tomas ospatuko du Eusko Etxeak, Txistora eta Sagardoaz, aurren Jokos, Solomo eta Pintxoz. Parisen, Frantzian, Atzerzkia, aurrentzat eta aurrera ekitaldia, Orentzeroli Euskal Etxearen Euskutik. Castellon, Frantzian, Euskal Kantu Kontzertua, Baigoriko Lagun Araiko Laren, Eskutik, Castelnono, Castelnoko, Barkatu, Elisan. Bika, Elantion. Orduan, abenduaren amabian, Bordalen, Frantzian, Intera Petritegi, Chagardo, oh la la, Chagardo Tegirak, Gipuzkoako, Astigar, Garragan, oh la la, komplikatua da, itzoli. Ah, chapin bihar. Orduan, UDP elkartea antolatzaile. Buenos Airesen, Argentinan, Orentzero Pesta. Orentzerok eta Mari Domingok iparraldeko Euskal Etxea bisitatuko dute. Ah, gero, Antion. Antzitu zerbait. Ah, barkatu, barkatu. Bruxelles antzen duzula. Ah, Bruxelles Belgika antzitut, barkatu. Ah, Bruxelles Belgika. Badator Orentzero gai jaia, aur guraso eta lagunentzat Euskal Etxe antolatzaile. Ala beraz, entzun dugun bezala, beraz, badator Orentzero, diasporan ere, hemen noski, baizik eta diasporan ere. Ala eta behar bada ikusiko dugu guk bihar Durangoko azokan, ara manoa, azokan behar bada ikusiko dut Orentzero ibai. Behar ba. Berba. 2005ko abenduaren amairuan, Madrilen, Espainian, Alkartasun kontzertua Euskal Etxea, antolatzaile korontzirekin Stop San Filippo Fundazioaren alde. South San Francisco, yeah. Estatu batuetan, eguberri bestagure Euskal Etxean, mesa aurren antzerkia, baskaria eta upariak. Buenos Airesen, Argentinan, Euskatxek. Euskararen eguna ospatzera daitu ditu gaur bere egoitzan bazkide eta lagunak. Bakersfielden, yeah. Estatu batuetan, eguberriko Euskal Festa eginko du Kern County. Kern County, Euskal Etxeak. Baskaria barne. Kasu, zure kasle hor. Juliari. Orduan abenduaren amalauan, Tolosan Frantzian berri txarrak taldearen konzertua Tolosako Le Saint des Saints aretoan. Ari, hau da, Robert Asherito Garriendako eta Filipen, ultra fan of berri txarrak. 2005ko abenduaren amabostan, Bordelen Frantzian berri txarrak talde Nafarraren konzertua Bordeleko Eretik Club aretoan. Abenduaren amaseian, Bordelene ere, Frantzian Euskal Kantuak ikasi eta praktikatu nahi dituzu oiko moldean, etorri gaur Euskal Etxera. Gero, 2005 ean... Ber urtea, erren bakarrik eguna. Abenduaren amaseian, Parisen, Frantzian, konzertua eskainiko du, Parisen berri txarrakek, La mekanik ondulatuar aretoan. Bikain. Orduan, abenduaren amaizazpian, Boixen estatu batuetan, oinkarri gram edo oinkarrien dantza telegramak zorionak oparitu eta taldea laguntzeko. Abenduaren 18ean, Boixen estatu batuetan, Boixeko oinkarri dantza taldean ibilitako dantzarien elkarretaraztea Euskal Etxean. Bikain. Orduan abenduaren 19an, Luxon Lapurdin, Pariseko Euskaldunen makila ikuskikusuna, mm-hmm. Berrogoita amar dantzari, musikari eta partaiderekin, taula ratuko dute boixen, estatu batuetan, boixeko Sheep Herders, bol, dantzaldia eta Euskaldunen afari eta elkarretaraztea Euskal Etxean. Abenduaren 21an Madrilen, Espainian, San Tomaseko txistura eta Sagardo festa egingo du elkarretxeak, Euskal Etxeak, mm-hmm. Bazki de guztiak gombidatuta. Beti txistura zurekin. Orduan... Egia egan antxonek beti jaten du. Beti goxe da mutiko hori. Abenduaren 23an, Corpus Christi Argentinan, adiskidetasun afaria Corpus Christiko Eusko Etxeak bere egoitzan antolatua. Eta bukatzeko abenduaren 26an, Nekotxean Argentinan urte amaiaren jaia egingo du Eusko Etxeako lagunek betikoak gastronomia aretoan. Orduan, antxon talia, antxon zaila zen? Piskat, baina gero... Zaila da, ez hartzea boa mikroaren justua intzinean, eta ongi mintzatzea, eta... ez da hain egesa, Lehen ada, hori. Bai, lehen aldikotz, ados. Da, ongi. Nola txuma dituzu, Esterzu? Bai, ongi egin du. Bai, papi? Faiotatu behar dut, nik ere biziki untxa ari dira. Baina, ados. Eldudan udan hemen dituzu. Hala, popusatzen da guztete bentzutez. Ben piren kantu edegena, hor Adele, hello. Hala, epatu duena leheno. Hello. Hey. Horren txe bertan. Typical of me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never bederatziak eta amaika dira sortzi herrialdeak zuzenean. Hala, milesker antxon. Hala, beraz, eta eguraldia orain be Liliarekin, ordian eguraldia otoi. Orduan, eguraldia, Seattle, Washington. Oh, yes. Euria, temperaturak. Euria, eh? Egun oso, eh? Euria. Euria. Oh, yes. Ba, txikizunetako. Euskal Herria bezala. Gaur ez. Eta berda izanen da, orduan. Temperaturak 8 grado goizian eta amairu arratsaldean. Mexikon, odei txiki batzuk bainan, orotara, aroedera. Temperaturak 8 goizian eta 21 arratsaldean. Lima, Perun, odei txiki batzuk, baina orotara aro edera temperaturak. Oh. Ama, emeletzi grado goizian eta 24 arratsaldean. Bai. Buenos Aires eguraldia edera, 13 goizian eta 27 arratsaldean. Bai, uda baita han. Hemen negua uda da. London, eremu batua. Odei asko egun osoan. Hala, gainera, Londonen agurtzen dugu Maider Lakaie. Ados. Orduan, amika grado goizian eta amalau arratsaldean. Amalau grado arratsaldean. Gu bezala. Bikain, lehenoa epatu dugu joko bat. Hala. Eta proposatzen da duzut orain, entzutea, beraz, kantu hori. Eta, ale, erraten da dugu gaurko eman kizunean. Entzuna dugula jadanik kantari hori, entzun. Aldapeko zagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, txoria zegoen kantari. Aldapeko zagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, txoria zegoen kantari. Shiruliruli, shiruliruli, nor dantzatuko ote du soinu txori. Shiruliruli, shiruliruli, nor dantzatuko ote du soinu txori. Zubi buru zelaieko oianaren zoa. Solaren solan, lili bat bada abeilari. Zubi buru zelaieko oianaren solan, solaren solan, lili bat bada abeilari. Shiruliruli, shiruliruli, nork bilduko ote du lili xarmantori. Siluliluli, siruliluli, nork bilduko ote du lili xarmantori. Me denaren pena nola behar dute garri. Xiruliruli, xiruliruli, zuk maitea hartza zuen epena hori. Xiruliruli, xiruliruli, zuk maitea hartza zuen epena hori. Xiruliruli, zuk maitea hartza zuen epena hori. Xiruliruli, zuk maitea hartza zuen epena hori. Orduan, nork du kantatzen Kepa Junkerarekin? Nork du kantatzen? Beda, Juanes, La Camisa Negra, da, bera, beraz, bera, kolombiarra da. Baina, Juanes, zer da Juanes? Juanes da Juan Esteban. Ados, baina bere izena, Aristizabal. Aristizabal. Hala, eta beraz, kantatu du, egindu kantu hori Kepa Junkerarekin. Piskat hori, horrezteko piskat bere euskalak basoak. Hortarako egin zuen kantu hori, beraz, ez dugu ukan neork ez du entzun, ez dugu ukan mesurik eganez, ala, be lepokoa gure txatatxikiko dugu. Hala, hala, tampi. Trivia polita da, eh? Bai, erringarria da piskatu da jakitea, ala, be Juanez, be ala, bere irudiarekin, hor, piskat rock gizon hori, eta holako bosa pausatua, eta hola kantatzea, be, bai, piskat erringarria da, bai. Bai, bai, bai. Antion? Bai. Nola atxeman duzu lehen eksperientzia hori hor, gurekin izaita gaur irratian? Ebe, biziki ongi. Biziki ongi? Prestitzultzeko berriro? Be, berba, bai. Nola berba? Nola berba? Ebe, bai alor. Bai alor, ba, zera, bai alor. Hala, bai alor. Lilia, be, super, eh? Zu aldi honetan, informazio gehiago errandituzu, ongi zen. Ah, bai. Hala, hala, be, guk, be, badakizuze, gure elduten emankizuna. Iraganen da urtarrilaren iruan. Hor, Ester, ez da gurekin izanen, baizik eta? Ba, estatu batutara joango naiz, eta han egongo naiz. Hala, joitzen zira, ogoita batean? Ogoita batean joango naiz, ja, bi aste barruan. Eta gero, han joango naiz, bueno, futbol amerikanoa ikusteko. Taldea Washington State Cougars joango dira bol bat. Justo orain egingo dute zein bolera, agian zandegora, eta gero familiarekin. Noi. Bai. Eta nire usaba isaba joango dira nirekin eta lehenengo aldiz. Inoiz joan dira estatu batuetara. Ah. Eta orduan ikusteko nora joan zen haien anaia zarena nire aita. Ados, wow. Orduan polita izango da. Izango da eksperientzia izigarri bai. Polita. Orduan, bai, erraiten du beraz elduden irratxaioa beraz urtarrilaren iruan, nahi baldin baduzu etorri hemen, zenta bada lekua hemen nahi baduzu bakarrik ikusi, nola egiten dugun irratxaio hori eta ala eksperientzia hori edo zerbait erran, be baduzitzu bi posibilitate. Lehena da e-mailez, irratia, abildua, zenbakia sortzi provintziak.com elbidera, ala, edo bigarrena da, ere bai gure Facebook horriaren bitartez, sortzi HS eta, edo sortzi erreldak zuzenean Facebooken, eta bakarrik erran ala nahi nuke eta horri bain ikustea, batzuk beldur dute, mintzatzea ola mikroan, bai, ez dugu ere, nahi bali maduzu mintzatu alduzue, bera nahi bali maduzu bakarrik begiratu, alda ere bai. Hala, eta ezan zere be, bihar, hastelena errepika arratxeko behatzetik goiti, ez terziganda, Antion Etxeberri, Lilia Etxeberri, mil esker zureki, zueri gurekin ezaitagatik gaur. Zuregatik, hein? Hala, deus ez zuregatik. Eta eskertzen dugu ere bai gure entzuleak, ere bai noski. Ezan, zere bai beraz olentzero eldu da hor laister. Urtatz ere bai hor izango da, beraz pasazazu denak behondareko besta onak. Eta berri zelkartzen gira beraz guk be eldu den urtean. Eta ezan, beti bezala, kasu bidean eta ale, deneri musuak, musu handi bat. Musu, musu. Musu handi bat. Musu, musu. Musu, musu. Zortzi herrialdeak zuzenean Euskal Irratietan. Euskal Diasporaren emankizuna. Ilabetero, lehen igande guziz, arratxeko zortzietatik goiti bederatziak eterdi arte. Eta errepika astelenean, gaueko behatzietan. Zortzi herrialdeak zuzenean. Euskal Irratia eta Zortzi Probintziak elkarteak antolaturik.